J'ai pris le mic pour me vider la tête. J'ai vu des mecs blindés, j'ai vu des mecs plantés pour un queugré. J'ai pris le mic pour changer la donne. J'ai vu des mecs plonger dans l'alcool des hommes, changer pour une conne. J'ai pris le mic sans forcer. J'ai vu mes parents s'aimer, mes parents divorcer. J'ai pris le mic un soir d'hiver, tout seul sans grand frère. Juste moi et mes textes de gangster. J'ai pris le mic très jeune, j'ai vu des poulets qui cognent. Soit t'es Mac Chicken ou Mac Tyson. J'ai pris le mic direct, la rue c'est comme une pute. Ça fait que tirer sur toi ou à la tirette. J'ai pris le mic pour ses pères, pour l'ouvrir sans se taire. Si tu me dis que la roue tourne, je te dis qu'elle tourne comme cette terre. J'ai pris le mic pour les smicards, les mecs au mitard frère. Ici y'a tout à détruire, y'a tout à refaire. J'ai pris le mic par les couilles, je le fais comprendre par les coups. Pour simplifier la recherche, quand je parle de pute, je parle de vous. J'ai pris le mic pour le 9 et le 3. J'ai vu des mecs essayer, mais personne fait le poids. Je l'ai pris, tu l'as pris. Moi, je suis dans l'ombre, toi, tu brilles. J'ai les dans l'ombre, toi, tu triches. Tu parles de nous dans tes 10. J'ai pris le mic à ta place. T'as fait le track à ta cas. Moi, je suis déjà loin, je fais pas de tagadaga. J'ai pris le mic en solo. Un groupe, c'est bien, c'est fun. Mais seul, c'est mieux. Pour le portefeuille, j'ai pris le mic pour ma rue. Rue de Marseille, je monte. Si t'es blanche, arrête la blanche. Surtout si t'es daron. J'ai pris le mic sans pitié. Gardien de la paix, garde dans tes cages, petit filet, on t'a buté. J'ai pris le mic pour kicker, tu nous allumes, tu tournes de main en main. Dis-moi toi, t'es une femme ou un briquet? T'es une femme ou un briquet? T'es une femme.